Elle n'a jamais connu l'amour. Elle sait même pas ce que c'est qu'un bichelou. Après c'est Wish, ça continue. Après c'est Wish, Wish, Wish, Wish. Viens jouer avec mon Wish. 5 minutes c'est pas longtemps. Et puis mon Wish il sera content. La grande cisseflute, mais qu'elle a avenge. Juste en dessous de sa jupe, pour danser comme un géant. Faut baler de droite à gauche et puis d'arrière en avant. Avec les mains dans ses poches, comme si t'avais un bâton tout au fond de ton derrière et avoir vraiment l'air con. Si tu veux vraiment bien le faire. Oh, y'en a qui font vraiment bien le faire. C'est des enfants de l'amour, du temps d'où ça allait bien. Mais on dit sur les faubourgs, la petite dernière misette. Cette gamine idéale, elle aurait été conçue pour les allocs familiales. Et on fait même pas partie de la chorale des corsaires. Hein. Alors bravo, celle-là elle est bien, tu vois. Ça, elle se calme souvent à côté, mais celle-là elle était dedans. Ça c'est bien. Alors, c'est ce qu'elles me disent tout. Alors non, ça dépasse. Ça va, ils filment pas parce que ça reconnaît pas beau. Alors, ils s'appellent. Alors, Jackie Souza. Il est chez les acharnés. Ta gueule. Allez, tends-moi ça. Il a un pépin bleu et blanc. C'est pas vrai, je m'appelle Jean-Claude et je suis chez les Nucholards. Il s'appelle Sébastien Corbin. Et il s'est marié à Croque-Teux. C'est... Oh, les cons. Oh, il sonne pas cette caisse.